On va parler de hockey régional avec notre ami Pascal Bouchard, qui est le directeur régional de Hockey Saguenay-Lac-Saint-Jean. Salut Pascal. Salut Danny. À l'aube de la prochaine saison, est-ce qu'on est optimiste du côté de Hockey Saguenay-Lac-Saint-Jean? Oui, effectivement, on est très optimiste. On est parti pour faire une saison quasi normale. On est en préparation à l'heure actuelle. Ça va très bien de ce côté-là. Des recherches de bénévoles, la recherche de joueurs, comment ça se passe de ce côté-là? Parce que là, l'histoire de vacciner, non vacciner, passeport sanitaire, peu importe, comment ça va de ce côté-là? Ouais. Ça va quand même bien. C'est sûr qu'en nombre de joueurs, on a quand même une perte. Là. On est à peu près à 20 % de perte sur la dernière saison complète qu'on a faite. Mais on s'en attendait un petit peu parce que c'est sûr que l'hiver passé, là, en n'ayant pas de hockey, les gens ils ont fait d'autres choses. Ils ont fait du ski, ils sont allés au chalet, peu importe. Il y en a qui reviendront pas cette année pour ces raisons-là. Peut-être qu'ils vont s'ennuyer et ils vont revenir l'année prochaine. Là, mais pour cette saison, on s'attendait bien d'avoir une perte. Là, puis, dépendamment des secteurs, il y a des places dans la région où ce sont égales aux autres années, puis il y en a d'autres qui ont vraiment une bonne perte. Okay. Est-ce que la région, le haut du lac, t'as-tu, comment c'était? Dans votre secteur, là, Lac-Saint-Jean-Nord, ça va bien. Oui, OK. Ça va bien. Il y a quand même un bon niveau d'inscription. Là. C'est très bien dans ce coin-là. OK. Donc, les équipes, ça n'a pas changé. On est très satisfaits pour ça. Non, pas beaucoup, non. OK. Non, c'est dans quel secteur que ça diminue plus le Saguenay ou... On a eu une légère diminution dans le coin de Saguenay, dans le coin de Saint-Félicien, Mastoyache, on a une diminution là aussi. Puis où ça fait le plus mal, là, c'est dans le secteur de Chicoutimi, parce qu'on a une énorme diminution dans Pourtant, c'est très, très Chicoutimi. Normalement, c'est très hockey. Je comprends pas. Ça veut-tu dire que les ambassadeurs, il n'y aura pas d'ambassadeurs cette année? Au niveau des ambassadeurs, là, comme c'est là à l'heure actuelle, là, les ambassadeurs, on serait capable de les avoir dans le Pee-Wee 2B et dans le Midget 2B. Mais encore là c'est sous toute réserve parce que eux, ils ont le programme des Bears, le programme des Cris qui redémarre cette année, qui font du double lettre. Okay. Donc les jeunes qui arrivent des communautés autochtones dans ce coin-là, font du double lettre, ils pourront pas jouer à Chicoutimi, là, à moins d'être coupés dans leur secteur, là. Mais sinon, eux autres, ils vont s'en aller dans leur programme des Bears. OK. Donc, ça nuit beaucoup. Est-ce que le hockey scolaire, parce que là, on parle de hockey civil, là, mais le hockey scolaire a nuit aussi de ce côté-là? Ben, le hockey scolaire, c'est sûr qu'il y a une tranche de joueurs qui s'en va de ce côté-là. Est-ce qu'il y a nuit? Ben, c'est sûr. Quand même, je dirais que ça prend pas de joueurs dans le hockey mineur. Oui, ça prend des joueurs dans le hockey mineur, mais c'est un autre service qu'ils offrent. Et moi, je les considère plus comme des partenaires plutôt que des concurrents. Là. Ils offrent un service qu'on n'offrait pas. Puis en même temps, ils ont des ressources qu'on n'a pas, nous, au niveau civil. Donc, on se prépare à faire des échanges de ressources là, pour être capable de faire un bon développement, autant au niveau scolaire qu'au niveau civil. OK. Au niveau des arbitres, ça, c'est un problème. J'écoutais le 91-9 cette semaine. Au 91-9, c'était, dans le coin de Montréal, on dit que c'est l'enfer. Il y a des équipes. On met évidemment le COVID là-dessus. On met également l'histoire de. Je savais pas qu'il fallait maintenant, pour les ligues de garage et ainsi de suite, mettre les sommes qu'on remporte. Il faut le mettre sur le rapport d'impôt. Donc, ça aura un lien directement aussi avec la baisse d'arbitres. Est-ce que toi, t'as entendu, est-ce que dans la région, comme accès de ce côté-là? Dans la région, on s'en tire plutôt bien comparativement aux autres régions. Là. Justement, on revient d'une réunion provinciale là, en fin de semaine là, avec les permanents et les présidents de toutes les régions. Puis nous, on s'en tire quand même bien. On communique régulièrement avec Mathieu, notre arbitre-chef régional, puis... C'est sûr qu'on a une légère baisse aussi de ce côté-là au niveau des officiels. Puis effectivement, là, il y a le fait de ne pas avoir arbitré pendant une saison complète. Bien, les gens se sont trouvés d'autres à côté pour avoir un peu plus de revenus. Puis oui, le T4A là, joue un rôle là, dans notre perte de visuel. Mais okay. on a ajusté les tarifs aussi régionalement. Là. Okay. On a ajusté les tarifs pour que la perte d'argent compense. Parce que, tu sais, soyons honnêtes, ouais. Ce qui s'est passé au Saint-Lac-Saint-Jean, là, on ne s'entend pas dire. Ce qui se passe au Québec, là, fallait voir venir ça. Oui, il y a eu le COVID, mais à force de se faire crier après, puis à force de se faire dire l'arbitre, puis démoniser, ben c'est normal qu'à un moment donné, que ça diminue aussi, là. Ouais, c'est sûr que le travail d'arbitre, là, c'est vraiment pas évident, puis moi, le premier, là, je pense pas que j'aimerais ça faire ça, là. Non. Ça prend certaines qualités pour le faire, là, puis ça prend une bonne carapace aussi. C'est pas évident. T'es toujours à la minute qu'il se passe de quoi dans un match, ben t'es toujours pointé du doigt. Ben, c'est sûr que c'est pas évident, mais là, avec mon arbitre chef régional, puis on collabore aussi beaucoup avec Justin Saint-Pierre. Okay. On essaie de rendre le travail d'arbitre plus positif, plus attrayant. Puis justement, là, on fait de l'éducation aussi avec nos associations, nos entraîneurs, tout ça, pour justement, au lieu de se chicaner avec les arbitres, peut-être avoir des meilleures discussions, puis rester respectueux là, entre entraîneurs et arbitres, puis mettre le travail positif. Puis en ajustant les tarifs aussi, ben ça peut être très invitant, là. C'est beaucoup plus invitant qu'aller travailler, par exemple, dans un resto rapide, là. Okay, okay, les salaires ont quand même augmenté, mais pas tant, là. Mais nous, au niveau de l'arbitrage, là, en bas de 20$ de l'heure, là, maintenant, il y en a plus. Il faut compenser là-dessus aussi. C'est important. Oui. OK. Pascal, ouais. On se tient au courant de tout au long de la saison. Pour savoir qu'est-ce qui se passe un peu. Excellent. Notre ami Pascal Bouchard qui nous parlait du hockey Saint-Lac-Saint-Jean.